Je sais déjà ce que vous allez me dire. Bloodsport a déjà été traité par 2 heures de perdu, VHS et canapé, ou encore Kumite. Mais ce que Jean-Claude veut nous apprendre ici, c'est bien que ce n'est pas parce que les autres sont plus gros ou plus balèzes qu'il faut baisser les bras. Alors je vais taper mon plus beau grand écart facial, désolé, vous devez me croire sur parole, et je vais causer un peu de ce monument qui va propulser la carrière de notre Belge préféré. Bon. On va pas se froisser un neurone avec le scénar, film de tournoi, JCVD s'enfuit, s'inscrit, se fait un pote, pète respectueusement des gueules et finit par défoncer le vilain Bolo Yang, avant de rentrer à la maison. La réalisation est datée mais fonctionnelle et les combats sont très bien chorégraphiés. Jean-Claude est on fire, tant dans les combats qu'en dehors du ring. La simplicité ambiante lui permet de ne pas avoir à trop en faire et de rester juste. Bon, c'est sûr qu'en 2020, quelques détails peuvent sentir l'homophobie ou le racisme. Mais ça reste en surface, le film prônant tout de même des valeurs saines.